السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc l'intitulé du cours concerne à la base une conférence donnée par le grand savant, le Cheikh, l'ancien Mufti d'Arabie Saoudite, Al-Cheikh Al-Allama Abdelaziz Ibn Abdillah Ibn Baz, Rahimahullahu Ta'ala, qui s'intitule Wajibu Shabab, c'est-à-dire les devoirs, ce qu'on attend des jeunes, de la jeunesse, et il est voulu ici la jeunesse musulmane. Donc après son introduction, l'introduction du Cheikh et le remerciement qu'il donne à ceux qui ont organisé cette conférence, et de ce fait on remercie tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce séminaire, compris Allah tabaraka wa ta'ala de rendre bénéfique pour nous ainsi que pour vous tous et qu'il y mette de la bénédiction. Le Cheikh dit wa kalimati أرجو أن تكون موجزة بعنوان واجب الشباب. Et ma parole, qui j'espère sera courte, résumée, aura pour thème, pour titre, devoir de la jeunesse. فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين ليعبدوه وحده لا شريك له. Il est connu qu'Allah سبحانه وتعالى a créé les deux créatures qui sont les humains et les djinns pour qu'ils l'adorent sans rien lui associer, pour qu'ils appliquent le monothéisme loin de toute forme de polythéisme. Wa arsala ar-rusul alayhim as-salatu was-salam lid'awati an-nas ila hadha al-wajib wa tawdih hadha al-amr al-'azim wa tabsirihim fi dhalik wa tawjihihim ila al-khayr. Et il a envoyé les messagers, salut et paix et prière sur eux, tous les messagers. Donc on a les prophètes et on a les messagers. Le premier prophète c'est Adam alayhi salam, le père de l'humanité. Et le premier messager prophète c'est Nuh alayhi salam. Et le ulama nous enseigne cette règle qui dit tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas obligatoirement messager, car avant d'être messager on est prophète. Puis parmi les prophètes Allah tabaraka wa ta'ala élève certains au stade de messager, et il est rapporté dans certains récits qu'il y a eu près de 124 000 prophètes, parmi eux 315 messagers. Et le dernier prophète et messager, c'est notre prophète Mohammed ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam. Tous les prophètes et messagers d'auparavant étaient envoyés spécialement vers leur peuple, leur nation. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui est le sceau des prophètes, il n'y a plus de prophète ni de messager après lui, alayhi salatu wassalam, il a été envoyé vers tous les mondes, vers tous les humains et vers tous les djinns. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, prières et saluts sur eux pour inviter les gens vers ce devoir qui est le monothéisme et l'éloignement de toute forme de polythéisme et la clarification de ce grand ordre et leur donner la clairvoyance en cela et les diriger vers le bien et les mettre en garde contre tout son contraire qui est le mal. Qala ta'ala, le bien et en premier lieu et le plus grand des biens, c'est le monothéisme, d'adorer Allah seul sans rien lui associer. Le mal et le plus grand mal, c'est le polythéisme, de donner à Allah un égal, un associé, alors qu'il est le seul à nous avoir créé, subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Dans le sens des versets, Allah nous dit, et je n'ai créé les djinns, ce sont des créatures qui vivent avec nous sur terre, qui ont été créées de feu, qu'on ne peut voir, mais eux nous voient. Et il y a les humains qu'Allah a créés depuis Adam alayhi salam et que Adam a été créé d'argile et de terre. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux aucune subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Certes, Allah, c'est lui qui donne la subsistance et c'est lui qui détient la puissance, la force totale. Et on comprend bien dans ce verset que celui qui est droit avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala, celui qui est dans la droiture, dans le droit chemin, qui adore Allah tabaraka wa ta'ala convenablement sans rien lui associer, n'a rien à craindre. Et que la subsistance, elle provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui s'adonne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, il aura sa subsistance qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a prescrite. Je précise cela parce que parfois certains, lorsqu'ils sont confrontés et se posent la question, ma religion est en jeu, mais je risque de perdre mon travail pour la prière, pour le vendredi et bien d'autres choses. Eh bien, il y en a qui pensent que il y a une contradiction entre le travail et la religion. Il n'y a pas de contradiction. Seulement, celui qui est droit dans sa religion n'a rien à craindre. Il se doit d'aller chercher le travail, de retrousser ses manches. Mais tant qu'il tient à sa religion, il n'a rien à craindre. Celui qui donne la subsistance, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. فَأَبَانَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ خَلَقَ الثَّقَلَيْنِ ليعبدوه وحده لا شريك له وأن الرزق عليه سبحانه وتعالى. Donc Allah nous clarifie, nous montre bien que ces deux catégories de créatures qui sont les djinns et les hommes qu'on appelle al-thaqalayn parce que ce sont les deux créatures dont les œuvres seront pesées le jour du jugement dernier, qui auront des comptes à rendre selon leurs œuvres et ce qu'ils ont accompli et commis sur terre dans ce bas monde. Et qu'au final, ils se retrouveront soit au paradis ou soit en enfer. Donc, Allah nous montre bien qu'il ne les a créés que pour qu'ils l'adorent sans rien lui associer. Pas comme disent les soufis ou certains parmi eux qui prétendent que nous n'avons été créés que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La raison de notre création, c'est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela est faux. Et les récits qu'il ramène sont des récits inventés, que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cités, mais qu'ils ont inventés pour légitimer et pour argumenter leur opinion. Wal'iyadu billah. Ils disent que nous avons été créés de la lumière de Mohammed alayhi salatu wa sallam. Alors que le prophète alayhi salatu wa sallam est innocent de tous ses propos. Et c'est en contradiction avec la parole divine. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est pour l'adorer, lui vouer un culte exclusif, subhanahu wa ta'ala. Et que la subsistance, elle émane et elle nous provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui nous la donne. وليس في حاجة إلى أحد من خلقه جل وعلا بل هو الرزاق سبحانه وتعالى وإنما خلقوا ليعبدوا ربهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est nullement dans le besoin d'une de ses créatures, glorifié soit-il et élevé soit-il, mais c'est lui le véritable donateur, celui qui nous donne la subsistance, et il nous a créé que pour l'adorer, lui qui est notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatuhu, et son adoration, l'adoration qui est donnée à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que l'ibadah? Comme a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, l'ibadatu ismun jami'un, li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, min al aqwali wal a'mal, al zahira wal batina. C'est un terme général, englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actes intérieurs et extérieurs. Donc toutes les œuvres que tu fais, qui proviennent du cœur ou qui proviennent des membres, avec lesquelles tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces œuvres doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْخُضُوعْ تَعْظِيمُهُ وَالْخُضُوعْ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالذِّلُّ لَهُ بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ وَتَرْكِ نَوَاهِيهِ عَنْ مَحَبَّةٍ خَاصَّةٍ. C'est de faire preuve d'humilité, de soumission, de rabaissement envers Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres et en s'éloignant et en délaissant ses interdits. Et on fait cela avec amour, et pas n'importe lequel amour, un amour propre, spécial, qui est donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an sidqin wa ikhlas, et avec véracité et avec sincérité. Wa an raghbatin wa rahba, en cherchant l'agrément, la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, et en s'éloignant de ce qui amène sa colère et son courroux, subhanahu wa ta'ala. Hakadha takunu al-ibada, voilà comment doit être l'adoration. C'est-à-dire qu'on doit être accompagné par tous ces aspects, ces comportements, pendant qu'on fait une adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Et la voilà la véritable adoration donnée à Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya ta'atul rabbi subhanahu wa ta'ala wa ta'atul rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'obéissance au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بفعل الأوامر وترك النواهي, en accomplissant ce qui est obligatoire et en s'abstenant et en s'éloignant de ce qui est interdit. عن ذل وخضوع ومحبة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. Tout cela avec rabaissement, humilité et avec amour pour Allah azza wa jal, ainsi que pour son messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa an raghbatin fi ma inda Allah min al-thawab, et en cherchant par cela les bonnes récompenses qui se trouvent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an hadharin mimma indahu min al-iqab jalla wa ala, et en se préservant et en s'éloignant de tout ce qu'il y a comme châtiment et courroux auprès d'Allah jalla wa ala. Wa hadhihi al-ibada innama tu'rafu bit-tafsil min tariq ar-rusul alayhim as-salatu was-salam. Et cette adoration qui est demandée ne peut être connue, ne peut être su en détail que par le biais des messagers alayhim as-salatu was-salam. Allah veut qu'on l'adore lui seul sans rien lui associer, mais on ne l'adore pas comme on veut. On l'adore comme ses messagers nous l'ont enseigné et nous l'ont ordonné. Alayhim as-salatu wa s-salam. Wa humu alladhina yashrahunaha lin-nas ويبينونها بما أنزل الله عليهم من الكتب. C'est eux qui en donnent l'explication, le commentaire, et c'est eux qui le clarifient par ce qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a révélé comme livre. وبما يوحى إليهم سبحانه من أنواع الوحي. Et par ce qu'Allah leur révèle comme de différentes sortes de révélations. فيما يأمرهم وينهاهم عنه سبحانه وتعالى. Dans ce qui leur ordonne et ce qui leur interdit سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل. Comme Allah عز وجل dit. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Dans le sens du verset, Allah nous dit, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. وقال تعالى, et Allah le Très-Haut nous dit, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ. Et dans le sens du verset, et certes nous avons fait descendre sur toi le livre où il y a l'explication de toutes choses et il y a une guidée, une miséricorde et une bonne annonce pour les soumis, les musulmans. وَقَالَ سُبْحَانَهُ, et glorifié soit-il, il nous dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dans le sens du verset, et certainement, nous avons envoyé à chaque nation, à chaque communauté, un messager qui ordonne, qui prêche à son peuple de n'adorer que Allah et de s'éloigner de الطَّاغُوتِ, qui est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout en étant satisfait de cette adoration, et aussi al-shaytan qui pousse à cela. Wa qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayh annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dans le sens du verset, Allah le Très-Haut nous dit, et certainement, et nous n'avons pas envoyé de messager avant toi sans qu'on lui révèle qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré à part moi, alors adorez-moi. فالواجب على جميع الثقلين من الجن والإنس رجالا ونساء شيبا وشبانا. Et donc il est un devoir pour toutes les créatures, parmi les djinns et parmi les hommes, parmi les humains, qu'ils soient hommes ou femmes, vieux ou jeunes, أن يعبدوه وحده بطاعته سبحانه فيما أمر به وترك ما نهى عنه على حسب ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc c'est un devoir pour eux tous de l'adorer seul par son obéissance, glorifié soit-il, dans ce qu'il a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit selon le message avec lequel est venu, sont venus ces messagers, prière et paix sur eux. ومعلوم أن نصيب هذه الأمة من الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام. Et il est connu que le résultat de tout ce prêche, de tous les messages et de tous les prophètes, c'est bien le message de Muhammad عليه الصلاة والسلام. فإن الله أرسله إلى هذه الأمة عامة وجعله خاتم الأنبياء. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers toute cette communauté et il en a fait le sceau et le dernier des prophètes. Wa kana ar-rusulu qablahu kathirin. Et avant lui, il y a eu beaucoup de messagers. Wa kana kullu wahidin minhum yursalu ila qawmihi khassa. Et chacun parmi ces messagers était envoyé spécialement et exclusivement à son propre peuple, à sa propre nation. Amma nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fa ursila ila an-nas 'amma. Mais en ce qui concerne notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Lui, il a été envoyé vers tous les gens. كما قال الله تعالى comme Allah le Très-Haut nous dit وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Dans le sens du verset, et nous t'avons envoyé vers tous les gens comme annonciateur et avertisseur. وقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Et comme Allah, glorifié soit-il, nous dit, dans le sens du verset, dit, ô vous les hommes, ô vous les gens, certes, je suis le messager d'Allah vers vous tous. وقال تعالى, et le Très-Haut nous dit, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc Allah nous dit dans le sens du verset, Muhammad, alayhi salatu wassalam, n'était le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau, le dernier des prophètes. وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أخرجه بهذا اللفظ الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع. Donc dans ce hadith qui a été rapporté en abondance par beaucoup de compagnons, et là, on a cette version ou cette variante de l'imam Tirmidhi dans ses Sunan, d'après le compagnon Thawban, radiallahu anhu, et cette variante ou cette version du hadith a été authentifiée par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Sahih Al-Jami' Al-Saghir, l'imam Al-Suyuti, rahimahullah. Donc, dans ce hadith, le prophète sallam a dit, je suis le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. وأجمع أهل العلم على أنه خاتم الأنبياء. Il y a l'unanimité chez les savants de l'islam qu'il est bien Muhammad صلى الله عليه وسلم, qu'il est bien le sceau et le dernier des prophètes. خاتم الأنبياء والرسل, le sceau et le dernier des prophètes et des messagers. وأنه ليس بعده نبي ولا رسول, et qu'après lui il n'y aura plus de prophète ni de messagers. Cela n'a pas empêché que dans l'histoire, il y a eu des grands menteurs, des Dajjal, qui se sont donnés comme titre, le titre de prophète et de messager d'Allah, alors que ce n'est qu'un mensonge de leur part. Un homme s'est dit prophète et messager à la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Musaylama. Musaylama, du centre de l'Arabie, de la région de l'Yamam, qui s'est dit prophète et messager. Et il a eu même le culot d'écrire un courrier au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'Allah il l'a envoyé et il lui a demandé qu'il se partage la mission. Et il a écrit Min Musaylama Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. De Musaylama, messager d'Allah, à Muhammad, messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son scribe, car comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Et là, c'est aussi un des miracles du Coran, que ça ne vient pas de lui-même, mais ça vient bien, et c'est bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, une erreur de traduction qui parfois est commise, soit volontairement ou involontairement. Le premier verset révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est « Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq ». Combien disent, le traduisent par « Lis au nom de ton Seigneur ». Si on dit « Lis », c'est que le prophète il sait lire. Et c'est une mauvaise traduction. C'est « Récite au nom de ton Seigneur ». Car réciter, ça peut être de la mémoire, de ce qu'on a mémorisé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré et il était analphabète comme la plupart des Arabes de son époque. Les Arabes, tellement qu'ils étaient en général illettrés et analphabètes, qu'on leur a donné le titre d'illettrés. Et on les appelait le peuple des illettrés. Car ceux qui savaient lire et écrire étaient une infime partie parmi eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a bien donné ce nom aux Arabes lorsqu'il dit « Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ». C'est lui qui a envoyé aux illettrés un prophète issu d'eux-mêmes. Donc c'était un des noms qui était donné aux Arabes. Donc, barakallahu fik. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Donc on traduira par récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Et le prophète sallam a demandé au scribe, réponds-lui en écrivant quoi? Min Muhammadin Rasulillah ila Musaylama al-Kadhdhab. De Muhammad, messager d'Allah, vers Musaylama, le grand menteur. C'est le prophète qui lui a donné ce surnom. Et cet homme sera tué à l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, pendant le califat d'Abu Bakr al-Siddiq. Et il est dit que celui qui lui a mis le coup mortel, c'était Wahshi. Wahshi, qui est connu, qui avait tué Hamza, radiallahu anhu, pendant la bataille de Uhud, des années auparavant. Puis après, il rentre dans l'islam et ce sera lui qui mettra le coup mortel à ce Musaylama, le menteur. Un autre, il s'était aussi dit prophète, mais il est dit qu'il s'est repenti et il était devenu musulman et qu'il est mort dans une bataille. Une femme s'est proclamée aussi prophète. Alors elle a répondu quand on lui a dit « il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Elle a dit, le prophète, il a dit « il n'y a pas de prophète homme ». Mais il n'a jamais dit prophète femme. Parce qu'il a dit la nabiyya ba'di au masculin. Il ne l'a pas prononcé au féminin. Wal'iyadu billah. Alors qu'il n'y a jamais eu de prophète ni de messager du côté des femmes. Ça a toujours été du côté des hommes. Et puis, même pendant notre époque, au 19e siècle, en 1800 et quelques, les Britanniques ont réussi, qui étaient colonisateurs en Inde, a poussé un homme issu de la communauté musulmane à se proclamer prophète. Et il a des suiveurs jusqu'à nos jours. Il s'appelle Mirza Ghulam Ahmed. Mirza Ghulam Ahmed Al-Qadiani. Parce qu'il est de la région de Al-Qadiyan, en Inde. Et sa secte, qui existe jusqu'à nos jours, on les appelle Al-Qadiyaniya. Et on les appelle Al-Ahmadiyya. Et ils avaient une chaîne, je ne sais pas si elle existe encore, dans le satellite. Ahmadiyya TV. Et ils sont beaucoup en Angleterre et beaucoup dans la communauté pakistano-indienne. Et combien de ulama ont répondu et réfuté ces paroles? Ce sont des mécréants, mais qui se font passer pour des musulmans. Et ils lisent le Coran et ils le commentent à leur manière. Wal'iyadu billah. Et ils disent donc que Mirza Ghulam Ahmed, c'est un prophète. Wal'iyadu billah. Les Black Muslims, ceux qu'ils appellent Nation of Islam aux États-Unis, qui normalement c'est Nation of Kufr, c'est pas of Islam, c'est pas la nation de l'islam, parce que ce sont des mécréants. Pour eux tout est noir, Allah il est noir, wal'iyadu billah, et qu'à la base tout le monde était noir. Bon, le problème avec les blancs, là, il les a fait ramener à un extrême, wal'iyadu billah, et cet homme-là, qui il s'appelle Elijah Muhammad, il s'est proclamé prophète. Vous connaissez avec l'histoire avec Malcolm X, et quand il les a quittés, il est mort, rahimahullahu ta'ala. Donc, cette secte-là, leur fondateur, qui est mort en 1975, il se disait prophète. Et de temps à autre, il y en a qui apparaissent, qui se disent prophète et messager, wal'iyadu billah. Certains se prétendent étant le Messie, Isa, puisqu'il y aura la descente de Isa, avant la fin du monde. Et certains se prétendent être le Mahdi, wal'iyadu billah, comme à l'époque de Juhayman, en 1979, à la Mecque, ceux qui ont pris d'assaut la mosquée sacrée, et qui ont tué des gens dans la mosquée, devant la Kaaba, le groupe de Juhayman. Puis ils ont été arrêtés tous, et tous ont été condamnés à mort. Et un homme parmi eux, ils ont dit que c'était El Mahdi, car ils l'ont vu en rêve, et ils ont proclamé que c'était lui El Mahdi. Wal'iyadu billah. Donc, c'est une conviction. Il n'y a pas de prophète, ni de messager, après Mohammed, alayhi salatu wassalam. Pourquoi je vous ai ouvert cette grande parenthèse, c'est pour vous montrer que faut pas dire ça, c'est une chose qui est connue. Si c'était vraiment connu chez tous les musulmans, jamais ils n'auraient accepté que quelqu'un se dise prophète ou messager. Et il y en a qui tombent dans le piège. Wal'iyadu billah. Tayyib. Wa li hadha ja'ala Allah risalatahu 'ammatan li jami'il ummah. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam général pour toute la nation. Ici, il est voulu le terme nation dans son sens global, c'est-à-dire la nation humaine, les humains et les djinns. Après l'avènement de Muhammad alayhi salatu wa sallam, il n'est plus permis de rester dans une quelconque législation. Car tous les prophètes et tous les messagers sont tous venus avec la même religion. Adam est venu avec l'islam. Nuh est venu avec l'islam. Ibrahim est venu avec l'islam. Moussa est venu avec l'islam. Isa est venu avec l'islam. Mohammed, alayhimu salatu wassalam, est venu avec l'islam. Tous les prophètes et les messagers, ils sont venus avec la même religion qui est la soumission. L'islam, c'est quoi l'islam? C'est la soumission. Et tous, ils étaient soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qui diffère entre eux? C'est la législation. C'est dans les lois, dans les détails de la religion. Mais dans les bases, les fondements, la source même de la religion, c'est la même religion. Vous ne devez adorer qu'un seul Dieu, le véritable Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui décide de toutes choses dans sa création. Et rien n'échappe à lui subhanahu wa ta'ala. Il est le seul dans sa seigneurie et il est le seul dans sa divinité. Personne n'est en droit d'être adoré en dehors de lui. Subhanahu wa ta'ala. Et vous vous devez d'écouter, d'obéir et de suivre le messager et le prophète qui vous a été envoyé. Voilà le message de tous les prophètes et de tous les messagers. Après, dans les interdits, dans les obligations, dans le licite, l'illicite, là, il s'adiverge. D'un prophète à un prophète, d'une nation à une nation, d'une époque à une époque. Mais avec la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tous les livres anciens ont été abrogés. Et le Coran a pris le dessus. Et toutes les législations ont été abrogées. Et c'est la législation de Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui doit être mise en application. Donc, quelqu'un qui dit, moi je suis chrétien, et je suis un prophète véritable, qui est Isa, alayhi salam, est-ce qu'on acceptera ça de lui? Non. Un juif qui dit, moi je suis juif, et je suis Moussa, qui est un prophète véritable, alayhi salatu wassalam, est-ce que cela sera-t-il accepté de lui? Non. Cela a été accepté à une certaine période de l'histoire. Mais après Mohammed, alayhi salatu wassalam, tous ces prophètes et tous ces messagers, s'ils venaient à vivre à l'époque du prophète sallam, ils auraient tous suivi la législation du prophète sallam. Et c'est pour cela que Isa alayhi salam, qui viendra et sa descente est un des grands signes de la fin du monde. Lorsqu'il viendra, alayhi salatu wassalam, il viendra en tant que suiveur de la législation de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en suivant le Coran et la Sunna. En suivant le Coran et la Sunna. Pourquoi? Parce que il revient dans ce bas monde après la venue du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Pourquoi Isa, c'est lui qui revient et non pas un autre prophète et un autre messager? Pourquoi c'est lui spécialement? Ça, parfois les chrétiens, ils le disent. Et ils considèrent que c'est une réponse à leur éloignement de la religion et à leurs égarements. Non, c'est parce que toute âme doit goûter à la mort. Et Isa n'est toujours pas mort. Voilà la raison pour laquelle c'est lui qui doit descendre. Parce qu'il a été élevé au ciel, préservé par son Seigneur contre son peuple et contre ceux qui lui voulaient du mal. Et il redescendra pour terminer sa vie. Parce qu'il ne l'a pas encore terminé. Et il devra goûter à la mort comme toutes les créatures. Alayhi salatu wassalam. ولهذا جعل الله رسالته عامة لجميع الأمة عربها وعجمها وجنها وإنساها وذكورها وإناثها أسودها وأبيضها وأحمرها. C'est pour ça qu'Allah a fait de son message un message général pour toutes les créatures, qu'ils soient arabes ou non arabes. C'est-à-dire que les arabes, ils ont donné un nom à tous les peuples qui ne sont pas arabes. Ils les appellent Al-Ajam. Eux, ce sont les arabes. Et tous ceux qui ne sont pas arabes, on les appelle Al-Ajam. Donc, qu'ils soient arabes ou non arabes, qu'ils soient djinns ou qu'ils soient humains, qu'ils soient mâles ou femelles, que ce soit des hommes ou des femmes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient rouges, quelle que soit leur couleur de peau. La farqa fi dhalik. Il n'y a aucune distinction en cela. كما تقدم في قوله عز وجل comme nous l'avons vu précédemment dans sa parole divine قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا dit ô vous les hommes ô vous les gens je suis le messager d'Allah vers vous tous وفي قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا et nous t'avons envoyé vers tous les gens comme annonciateurs et avertisseurs. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه. Et donc dans ce hadith qu'on retrouve dans les deux authentiques de Bukhari et de Muslim d'après Jabir رضي الله عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le prophète était envoyé spécialement à son peuple, à sa nation, et moi j'ai été envoyé vers tous les gens. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ et le Très-Haut nous dit, dans le sens du verset, et nous t'avons envoyé, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. وَالْعَالَمِينَ englobe tout ce qui existe en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est le créateur. Tout ce qui est en dehors d'Allah entre dans le terme al-alamin, les mondes. Toute créature et tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature. Donc, on rentre dans ce terme qui est al-alamin. Wa qala subhanahu tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi ليكون للعالمين نذيرا. Et glorifié soit-il. Il nous dit dans le sens du verset que soit glorifié celui qui a fait descendre Al-Furqan, qui est le Coran, c'est-à-dire la distinction entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge, qui a fait descendre Al-Furqan, le Coran, sur son serviteur, sur son adorateur, pour qu'il soit avertisseur envers les mondes. Nadir lil alamin kullihim. C'est-à-dire que c'est un avertisseur pour tous les mondes. فالواجب على جميع الثقلين طاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والاستقامة على طريقه قولا وعملا وعقيدة ومحبته محبة خاصة صادقة فوق محبة النفس والأهل والأولاد والناس أجمعين. Donc il est un devoir pour tous les gens, parmi les humains et les djinns, d'obéir au messager, alayhi salatu wassalam, et de suivre son chemin et sa voie, et d'être ferme dans son chemin, que ce soit par la parole, par l'acte, ou par la conviction et la croyance, et de l'aimer d'un amour spécial, véridique, au-dessus de tout amour envers sa propre personne, envers sa famille, envers ses enfants et envers tous les gens. فَبِذَٰلِكَ يُفْلِحُ الْعَبْدُ غَايَةَ الْفَلَاحِ Et avec cela, le serviteur aura vraiment réussi. وَيَنْجُو فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Et il sera sauvé dans la vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. وَتَكُونُ لَهُ السَّعَادَةُ وَالْعَاقِبَةُ الْحَمِيدَةُ الْأَبَدِيَّةِ Et il aura le véritable bonheur et la bonne fin bénie qui est éternelle. كَمَا قَالَ تَعَالَى Comme le Très-Haut nous le dit, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Dans le sens du verset, Allah nous dit, et ceux qui croiront en lui, les croyants qui croient au message et à la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam, et ceux qui croiront en lui, qui le soutiendront, lui porteront secours, lui suivront la lumière qui a été descendue avec lui, ceux-là sont ceux qui réussiront. فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَ طَرِيقَهُ وانقاد لشرعه وانقاد لشرعه فهو المفلح وهو السعيد في الدنيا والآخرة. Donc celui qui croira en lui et qui suivra sa voie et qui se soumettra à sa législation et à sa loi, le voilà celui qui aura réussi. Et le voilà le bienheureux ici-bas et dans l'au-delà. وهو الصادق حقا في محبته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Et le voilà le véridique. Vraiment le véridique, c'est celui-là. Et il aura un amour véritable pour Allah عز وجل ainsi que pour son messager صلى الله عليه وسلم. كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. Et Allah nous dit, comme Allah nous le dit dans le Coran, dans le sens du verset, dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Ce verset, on l'appelle le verset de l'examen ou de l'épreuve pour tout prétentieux. Toute personne qui prétend l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, prouve cet amour par ton suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des juifs à Médine ont dit, nous on aime Allah. Allah a révélé ce verset. Vous aimez vraiment Allah? Suivez le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne le suivez pas, ce ne sont que des prétentions mensongères. Prouvez-le par vos actes et par votre suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme a dit le poète lorsqu'il dit, ta'sil ilaha wa anta tuzhir hubbahu hadha la amri fil fa'ali badi'u ou fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inna al muhibba liman yuhibbu muti'u. Tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala tout en prétendant son amour. Pour celui qui agit ainsi, c'est vraiment étrange. Si ton amour était véridique, tu lui aurais obéi, car celui qui aime, eh ben, il obéit. Donc, comment tu peux être éloigné d'Allah, tabaraka wa ta'ala, faire le contraire de ce qu'Allah te demande, puis tu viens prétendre l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comment prétendre l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que tu es en plein dans les innovations? Tu fais tout le contraire de ce que le prophète nous a enseigné. Puis tu dis, c'est moi qui aime le prophète. Ce ne sont que des propos. Et ça reste des prétentions qui n'ont aucune valeur tant que tu ne le prouves pas par ton agissement. Soumets-toi aux lois du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soumets-toi aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu agiras ainsi, et plus on pourra témoigner de ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas en allant faire des fêtes, des célébrations de naissance inventées pendant 4 siècles, inconnues dans la communauté musulmane. Jamais le prophète n'a su qu'est-ce que c'est de fêter un anniversaire. Les 4 califes bien guidés, jamais ils n'ont su qu'est-ce que c'est fêter un anniversaire. Tous les compagnons, jamais ils n'ont su qu'est-ce que c'est fêter un anniversaire. Ni les tabi'in, ni les atba' tabi'in. Là, on est dans les 3 premières générations vantées par le prophète, alayhi salatu wassalam. Les générations dans lesquelles il y avait la bénédiction, ils ne connaissaient pas. Certains disent, on suit un des 4 madhhab. Jamais Abu Hanifa n'a su qu'est-ce que c'est un anniversaire. Ni Malik, ni Shafi'i, ni Ahmed ibn Hanbal. Pendant 400 ans, ça n'existait pas. Avant les Fatimides, les Ubaydiyoun, qui ont gouverné l'Égypte, les premiers à l'avoir inventé. Et ces gens-là viennent dire quoi? Vous, vous n'aimez pas le prophète. Pour aimer le prophète, il faut faire les bid'ahs. Et si vous ne faites pas de bid'ahs, vous n'aimez. Allahul Musta'an. On a tout inversé. Le mal est devenu un bien, le bien est devenu un mal, la sunna est devenue une bid'a, et la bid'a est devenue une sunna. Dans quelle époque et dans quel monde on vit? Wal'iyadu billah. Celui qui innove, il ne fait que s'éloigner d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Jamais on ne se rapproche d'Allah par une innovation. Jamais. Tu n'adores pas Allah comme il te l'a demandé. Donc, ton acte est rejeté. Et ton acte se retrouve en enfer. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas mes propos. Le prophète a dit, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil nar. Toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ay mardudun ala sahibihi. Combien? Donc, on ne doit adorer que Allah seul sans rien lui associer et on ne l'adore que par le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En faisant cela, on a appliqué les deux témoignages. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, il n'y a personne, il n'y a rien qui est en droit d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la véritable divinité. Muhammadur Rasulullah, c'est lui le prophète qui nous est venu avec les enseignements divins. Avec le livre sacré qui est le Coran. Et avec sa sunna, qui est la hikmah. Et on se doit de l'appliquer si on veut gagner le bonheur et la réussite dans la vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Wa qala ta'ala tilka hududullah, wa man yut'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannat, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha, wa dhalika al-fawzul azim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Dans le sens du verset, Allah le Très-Haut nous dit, voici les limites d'Allah, c'est-à-dire à ne pas transgresser, à ne pas dépasser. Et celui ou ceux qui obéissent à Allah et à son messager, il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Et voilà la grande réussite. Et ceux qui désobéissent à Allah et à son messager et qui transgressent ses limites, il les fera entrer dans le feu éternellement et ils auront un châtiment douloureux. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والحديث من عن أبي هريرة رضي الله عنه. Et dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui ne veulent pas. Il a été dit, les compagnons ont demandé, ô messager d'Allah, mais qui ne veut pas? Qui ne veut pas entrer au paradis? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, celui qui m'obéit entrera au paradis, celui qui me désobéit, c'est qui ne l'a pas voulu. Parce que lorsqu'on demande aux gens, tu veux aller où? Il te dira quoi? Je vais aller au paradis. Tayyib, as-tu pris le chemin du paradis ou pas? C'est bien beau de dire je veux entrer au paradis. Mais est-ce que tu as pris le chemin qui emmène au paradis? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, tu veux entrer au paradis? Obéis-moi. Si tu me désobéis, c'est que tu n'as pas voulu aller au paradis. Ce qui veut dire, ça reste des propos, des paroles. Sans aucune valeur, tant qu'il n'y a pas ce qui prouve ses paroles. Donc l'obéissance est le suivi convenable du prophète alayhi salatu wassalam. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والذكور والإناث والشباب والشيب والجن والإنس والعرب والعجم أن يعبدوا الله وحده ويخصوه بأنواع العبادة وأن يطيعوه سبحانه وتعالى ويتبعوا شريعته وذلك بإخلاص العبادة له وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. Donc il est un devoir pour toutes les personnes qui sont en âge de responsabilité. Al-mukallaf est un terme qui est donné à la personne lorsqu'elle a atteint l'âge de responsabilité. Je ne dis pas le terme majeur, bien que c'est le vrai terme. Mais je ne l'emploie pas pour pas que vous compreniez mal. Vous attendez, vous croyez que c'est quelqu'un qu'il faut qu'il attende les 18 ans. Et vous allez aux États-Unis, c'est 21 ans. Non. C'est l'âge de la puberté. Dès que la personne, elle est pubère, eh ben, elle est responsable. Et donc, elle est jugée sur ses actes. Avant cela, elle n'est pas responsable. Elle est sous la responsabilité. Mais à l'âge de la puberté, elle est responsable. À quel âge qu'on est pubère, ça dépend. Souvent, les filles, elles sont pubères avant les garçons. Ça peut être à 9 ans, ça peut être à 10 ans, ça peut être à 11 ans. Et les ulama, ils disent que si on ne voit pas les signes, c'est l'âge de 15 ans. C'est l'âge de 15 ans. Sinon, c'est dès qu'il y a des signes. Parmi ces signes, pour les femmes, lorsque la femme elle a ses règles. Dès qu'elle a ses règles, c'est qu'elle est pubère. Lorsqu'on a des poils qui poussent sur le pubis, dans le bas-ventre, ça c'est un signe. Lorsque il y a éjaculation, après un rêve érotique, c'est un signe de la puberté. Donc, voilà, ça c'est des signes de la puberté. S'il n'y a pas de signe de puberté, l'âge de, en islam, c'est l'âge de 15 ans. La personne, elle est responsable. Et elle est jugée. Donc il est un devoir pour toutes ces personnes, parmi les hommes et les femmes, parmi les mâles et les femelles, les jeunes et les vieux, les djinns et les humains, les arabes et les non-arabes. Ils se doivent tous d'adorer Allah seul. Et ils lui vouent un culte exclusif par les différentes formes d'adoration. Et ils se doivent de lui obéir, subhanahu wa ta'ala, et de suivre ses lois et sa législation. Et cela avec la sincérité dans son adoration à lui seul et le suivi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en cela. وَالْعِبَادَةُ حَقُّ اللَّهِ وَحْدَهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ. Et l'adoration, c'est un droit exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Personne n'est associé à Allah en cela. كَمَا قَالَ تَعَالَى. Comme Allah le Très-Haut nous dit, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Les croyants, ils disent, les véritables croyants, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est de toi seul que nous cherchons et que nous demandons l'aide. Wa qala subhanahu, et glorifié soit-il, il dit, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété, a ordonné que vous ne devez adorer que lui seul. Wa qala azza wa jal. Et Allah Azza wa Jal dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dans le sens du verset, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah sincèrement, lui vouant un culte exclusif. Al-Aya, le verset. وَهَذِهِ الْعِبَادَةِ هِيَ طَاعَتُهُ وَاتِّبَاعُ شَرِيعَتِهِ وتعظيم أمره ونهيه وترك ما نهى عنه عن ذل وخضوع وعن محبة وانقياد وصدق ورهبة ورغبة. Et cette adoration, c'est son obéissance, de lui obéir et de suivre ses lois et sa législation et de magnifier son ordre et son interdiction et de délaisser ce qu'il a interdit, tout cela avec humilité, rabaissement, soumission, avec amour, avec véracité, avec espoir en ce qui est auprès d'Allah comme paradis, comme agrément, comme satisfaction, et avec crainte de ce qui est auprès d'Allah comme feu de l'enfer, comme colère, comme châtiment, comme courroux, qu'Allah nous préserve de tout mal. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.